Il s'arrêta. Il y pensait et il y pensait. Avec ce qu'il venait de dire, il avait, le croira-t-on, transformé en rêveur ces soldats qui avaient vu tous les genres de feux, ces moines débauchés, ces vieux médecins, tous ces écumeurs de la vie, et qui en étaient revenus. L'impétueux Rancenel lui-même ne souffla mot. Il se souvenait. « Vous sentez bien, reprit Médilgrand, que le phénomène ne fut connu que plus tard. Tout d'abord, quand elle arriva au 8e dragon, on ne vit qu'une fille extrêmement jolie, quoique belle, dans le genre, par exemple, de la princesse Pauphine Borghèse, la sœur de l'empereur, à qui du reste elle ressemblait. La princesse Pauline avait aussi l'air idéalement chaste, et vous savez tous de quoi elle est morte. Mais Pauline n'avait pas en toute sa personne une goutte de pudeur pour teinter de rose la plus petite place de son corps charmant, tandis que la Rosalba en avait assez dans les veines pour rendre écarlate toutes les places du sien. Le mot naïf et étonné de la Borghèse, quand on lui demanda comment elle avait bien pu poser nue devant Canova, mais l'atelier était chaud, il y avait un poil, la Rosalba ne l'eût jamais dit. Si on lui eût adressé la même question, elle se serait enfuie en cachant son visage divinement pourpre dans ses mains divinement rosées. Seulement, soyez bien sûr qu'en s'en allant, il y aurait eu par derrière à sa robe un pli dans lequel auraient niché toutes les tentations de l'enfer. Telle donc elle était, cette Rosalba, dont le visage de vierge nous pipa tous quand elle arriva au régiment. Le major Ido aurait pu nous la présenter comme sa femme légitime, et même comme sa fille, que nous l'aurions cru. Quoique ses yeux d'un bleu limpide fussent magnifiques, ils n'étaient jamais plus beaux que quand ils étaient baissés. L'expression des paupières l'emportait sur l'expression du regard. Pour des gens qui avaient roulé la guerre et les femmes, et quelle femme, ce fut une sensation nouvelle que cette créature à qui, comme on dit, avec une expression vulgaire mais énergique, on aurait donné le bon Dieu sans confession. Quelle sacrée jolie fille! Se soufflaient à l'oreille les anciens, les vieux routiers. Mais quelle mijaurée! Comment s'y prend-elle pour rendre le major heureux? Il le savait, lui, et il ne le disait pas. Il buvait son bonheur en silence, comme les vrais ivrognes qui boivent seuls. Il ne renseignait personne sur la félicité cachée qui le rendait discret et fidèle pour la première fois de sa vie, lui, le lauzin de garnison, le fat le plus carabiné et le plus fastueux, et Canap le rapportait des officiers qu'il y avait connus. On appelait le tambour-major de la séduction. Sa beauté, dont il était si vain, aurait fait tomber toutes les filles d'Espagne à ses pieds, qu'il n'en eût pas ramassé une. À cette époque, nous étions sur les frontières de l'Espagne et du Portugal, les Anglais devant nous, et nous occupions dans nos marches les villes les moins hostiles du roi Joseph. Le major Ido et la Rosalba y vivaient ensemble, comme ils eussent fait dans une ville de garnison en temps de paix. Vous vous souvenez des acharnements de cette guerre d'Espagne, de cette guerre furieuse et lente qui ne ressemblait à aucune autre, car nous ne nous battions pas ici simplement pour la conquête, mais pour implanter une dynastie et une organisation nouvelle dans un pays qu'il fallait d'abord conquérir. Aucun de nous n'a oublié qu'au milieu de ces acharnements, il y avait des pauses, et que dans l'entre-deux des batailles les plus terribles, au sein de cette contrée envahie, dont une partie était à nous, nous nous amusions à donner des fêtes aux Espagnols, le plus affrancessada des villes que nous occupions. C'est dans ces fêtes que la femme du major Ido, comme on disait, déjà fort remarquée, passa à l'état de célébrité, et de fait elle se mit à briller au milieu de ses filles brunes d'Espagne, comme un diamant dans une torsade de jais. Ce fut là qu'elle commença de produire sur les hommes ces effets d'encharnement qui tenaient sans doute à la composition diabolique de son être, et qui faisait d'elle la plus enragée des courtisanes, avec la figure d'une des plus célestes madones de Raphaël. Alors les passions s'allumèrent et allèrent leur train, faisant leur feu dans l'ombre. Au bout d'un certain temps, tous se flambèrent, même des vieux, même des officiers généraux, qui avaient l'âge d'être sages, tous se flambèrent pour la pudica, comme on trouva piquant de l'appeler. Partout et autour d'elle, les prétentions s'affichèrent. Puis les coquetteries, puis l'éclat des duels, enfin tout le tremblement d'une vie de femme devenue le centre de la galanterie la plus passionnée, au milieu d'hommes indomptables qui avaient toujours le sabre à la main. Elle fut le sultan de ces redoutables odalisques, et elle jeta le mouchoir à qui lui plut, et beaucoup lui plurent. Quant au major Ido, il laissa faire et laissa dire. Était-il assez fat pour n'être pas jaloux, ou se sentant haï et méprisé pour jouir dans son orgueil de possesseur des passions qu'inspirait à ses ennemis la femme dont il était le maître? Il n'était guère possible qu'il ne s'aperçût de quelque chose. J'ai vu parfois son œil d'émeraude passer au noir de l'escarboucle, en regardant tel de nous que l'opinion du moment soupçonnait d'être l'amant de sa moitié, mais il se contenait. Et comme on pensait toujours de lui ce qu'il y avait de plus insultant, on imputait son calme indifférent ou son aveuglement volontaire à des motifs de la plus abjecte espèce. On pensait que sa femme était encore moins un piédestal à sa vanité qu'une échelle à son ambition. Cela se disait comme ces choses-là se disent, et il ne les entendait pas. Moi qui avais des raisons pour l'observer, et qui trouvais sans justice la haine et le mépris qu'on lui portait, je me demandais s'il y avait plus de faiblesse que de force, ou de force que de faiblesse, dans l'attitude sombrement impassible de cet homme, trahi journellement par sa maîtresse, et qui ne laissait rien paraître des morsures de sa jalousie. Par Dieu, nous avons tous, messieurs, connu de ces hommes assez fanatisés d'une femme pour croire en elle, quand tout l'accuse, et qui, au lieu de se venger, quand la certitude absolue d'une trahison pénètre dans leur âme, préfèrent s'enfoncer dans leur bonheur lâche, et en tirer, comme une couverture par-dessus leur tête, l'ignominie. Le major Ido était-il de cela? Peut-être. Mais certes, la pudica était bien capable d'avoir soufflé en lui ce fanatisme dégradant. La Circé antique, qui changeait les hommes en bêtes, n'était rien en comparaison de cette pudica, de cette messaline vierge, avant, pendant et après, avec les passions qui brûlaient au fond de son être et celles dont elle embrasait tous ses officiers, peu délicats en matière de femme, elle fut bien vite compromise. Mais elle ne se compromit pas. Il faut bien entendre cette nuance. Elle ne donnait pas prise sur elle ouvertement par sa conduite. Si elle avait un amant, c'était un secret entre elle et son alcôve. Extérieurement, le major Ido n'avait pas l'étoffe du plus petit bout de scène à lui faire. L'aurait-elle aimé par hasard? Elle demeurait avec lui et elle aurait pu sûrement, si elle avait voulu, s'attacher à la fortune d'un autre. J'ai connu un maréchal de l'Empire assez fou d'elle pour lui tailler un manche d'ombrelle dans son bâton de maréchal. Mais c'est encore ici, comme ces hommes dont je vous parlais. Il y a des femmes qui aiment. Ce n'est pas leur amant que je veux dire, quoique ce soit leur amant aussi. Les carpes regrettent leur bourbe, disait Madame de Maintenon. La Rosalba ne voulut pas regretter la sienne. Elle n'en sortit pas, et moi j'y entrai. « Tu coupes les transitions avec ton sabre, » fit le capitaine Mautravers. « Parbleu, » répartit Ménilgrand, « qu'ai-je à respecter? Vous savez tous la chanson qu'on chantait au XVIIIe siècle. Quand Boufflers parut à la cour, on crut voir la reine d'amour. Chacun s'empressait à lui plaire, et chacun l'avait à son tour. J'eus donc mon tour. J'en avais eu des femmes, et par paquets. Mais qu'il n'y en eût une seule comme cette Rosalba, je ne m'en doutais pas. La bourbe fut un paradis. Je ne m'en vais pas vous faire des analyses à la façon des romanciers. J'étais un homme d'action, brutal sur l'article, comme le comte Almaviva, et je n'avais pas d'amour pour elle dans le sens élevé et romanesque qu'on donne à ce mot. Moi, tout le premier, ni l'âme, ni l'esprit, ni la vanité ne furent pour quelque chose dans l'espèce de bonheur qu'elle me prodigua. Mais ce bonheur n'eut pas du tout la légèreté d'une fantaisie. Je ne croyais pas que la sensualité pût être profonde. Ce fut la plus profonde des sensualités. Figurez-vous une de ces belles pêches à chair rouge, dans lesquelles on mord à belles dents, ou plutôt ne vous figurez rien. Il n'y a pas de figure pour exprimer le plaisir qui jaillissait de cette pêche humaine, rougissant sous le regard le moins appuyé comme si vous l'aviez mordu. Imaginez ce que c'était quand, au lieu du regard, on mettait la lèvre ou la dent de la passion dans cette chair émue et sanguine. Ah, le corps de cette femme était sa seule âme. Et c'est avec ce corps-là qu'elle me donna un soir une fête qui vous fera juger d'elle mieux que tout ce que je pourrais ajouter. Oui, un soir n'eut-elle pas l'audace et l'indécence de me recevoir, n'ayant pour tout vêtement qu'une mousseline des Indes transparente, une nuée, une vapeur, à travers laquelle on voyait ce corps, dont la forme était la seule pureté, et qui se teignait du double vermillon mobile de la volupté et de la pudeur. Que le diable m'emporte si elle ne ressemblait pas, sous sa nuée blanche, à une statue de corail vivant. Aussi, depuis ce temps, je me suis soucié de la blancheur des autres femmes, comme de ça. Et Médilgrand envoya d'une chiquenaude une peau d'orange à la corniche, par-dessus la tête du représentant le carpentier, qui avait fait tomber celle du roi. Notre liaison dura quelque temps, continua-t-il, mais ne croyez pas que je me blasais d'elle, on ne s'en blasait pas. Dans la sensation qui est finie, comme disent les philosophes en leur infâme baragouin, elle transportait l'infini. Non, si je la quittais, ce fut pour une raison de dégoût moral, de fierté pour moi, de mépris pour elle. Pour elle qui, au plus fort des caresses les plus insensées, ne me faisait pas croire qu'elle m'aimait. Mais quand je lui demandais « M'aimes-tu ?», Ce mot qu'il est impossible de ne pas dire, même à travers toutes les preuves qu'on vous donne que vous êtes aimé, elle répondait non, ou secouait énigmatiquement la tête. Elle se roulait dans ses pudeurs et dans ses hontes, et elle restait là-dessous, au milieu de tous les désordres, de sens soulevé, impénétrable comme le sphinx. Seulement, le sphinx était froid, et elle ne l'était pas. Eh bien, cette impénétrabilité, qui m'impatientait et m'irritait, puis encore la certitude que j'eus bientôt des fantaisies à la Catherine II, qu'elle se permettait, furent la double cause du vigoureux coup de caveçon que j'eus la force de donner pour sortir des bras tout-puissants de cette femme, l'abreuvoir de tous les désirs. Je la quittai, ou plutôt je ne revins plus à elle. Mais je gardai l'idée qu'une seconde femme comme celle-là n'était pas possible, et de penser cela me rendit désormais fort tranquille et fort indifférent avec toutes les femmes. Ah, elle m'a parachevé comme officier. Après elle, je n'ai plus pensé qu'à mon service. Elle m'avait trempé dans le Styx. Et tu es devenu tout à fait Achille, dit le vieux monsieur de Ménilgrand avec orgueil. Je ne sais pas ce que je suis devenu, reprit Ménilgrand, mais je sais bien qu'après notre rupture, le major Ido, qui était avec moi dans les mêmes termes qu'avec tous les officiers de la division, nous apprit un jour au café que sa femme était enceinte et qu'il aurait bientôt la joie d'être père. À cette nouvelle inattendue, les uns se regardèrent, les autres sourirent. Mais il ne le vit pas, ou l'ayant vu, il n'y prit garde, résolu qu'il était, probablement, à ne faire jamais attention à ce qui était une injure directe. Quand il fut sorti, « L'enfant est-il de toi, Ménil ?» me demanda à l'oreille un de mes camarades, et dans ma conscience, une voix secrète, une voix plus précise que la sienne, me répéta la même question. Je n'osais me répondre. Elle, la Rosalba, dans nos tête-à-tête les plus abandonnées, ne m'avait jamais dit un mot de cet enfant, qui pouvait être de moi, ou du major, ou même d'un autre. « L'enfant du drapeau, » interrompit Mautravers, comme s'il eût donné un coup de pointe avec sa latte de cuirassier. « Jamais, » reprit Ménilgrand, « elle n'avait fait la moindre allusion à sa grossesse. Mais quoi d'étonnant ? » C'était, je vous l'ai dit, un sphinx que la pudica, un sphinx qui dévorait le plaisir silencieusement, et gardait son secret. Rien du cœur ne traversait les cloisons physiques de cette femme, ouverte au plaisir seul, et chez qui la pudeur restait sans doute la première peur, le premier frisson, le premier embrasement du plaisir. Cela me fit un effet singulier de la savoir enceinte. Convenons-en, messieurs, à présent que nous sommes sortis de la vie bestiale des passions, ce qu'il y a de plus affreux dans les amours partagés, cette gamelle, ce n'est pas seulement la malpropreté du partage, mais c'est de plus l'égarement du sentiment paternel. C'est cette anxiété terrible qui vous empêche d'écouter la voix de la nature, et qui l'étouffe dans un doute dont il est impossible de sortir. On se dit, est-ce à moi cet enfant ? Incertitude qui vous poursuit comme la punition du partage, de l'indigne partage auquel on s'est honteusement soumis. Si on pensait longtemps à cela, quand on a du cœur, on deviendrait fou. Mais la vie puissante et légère, vous reprend de son flot et vous emporte, comme le bouchon en liège d'une ligne rompue. Après cette déclaration faite à nous tous par le major Ido, le petit tressaillement paternel que j'avais cru sentir dans mes entrailles s'apaisa. Rien ne bougea plus. Il est vrai qu'à quelques jours plus tard, j'avais bien autre chose à penser qu'au bambin dans les pudicas. Nous nous battions à Talavera, où le commandant Titan du 9e hussard fut tué à la première charge, et où je fus obligé de prendre le commandement de l'escadron. Cette rude peignée de Talavera exaspéra la guerre que nous faisions. Nous nous trouvâmes plus souvent en marche, plus serrés, plus inquiétés par l'ennemi, et forcément, il fut moins question de la pudica entre nous. Elle suivait le régiment en charaban, et ce fut là, dit-on, qu'elle accoucha d'un enfant que le major Ido, qui croyait en sa paternité, se mit à aimer comme si réellement cet enfant avait été le sien. Du moins quand cet enfant mourut, car il mourut quelques mois après sa naissance, le major eut un chagrin très exalté, un chagrin à folie, et on n'en rit pas dans le régiment. Pour la première fois, l'antipathie dont il était l'objet se tut. On le plaignit beaucoup, plus que la mère, qui, si elle pleura sa géniture, n'en continua pas moins d'être la Rosalba, que nous connaissions tous, cette singulière catin arrosée de pudeur par le diable, qui avait, malgré ses mœurs, conservé la faculté qui tenait du prodige de rougir jusqu'à l'épine dorsale 200 fois par jour. Sa beauté ne diminua pas, elle résistait à toutes les avaries, et cependant la vie qu'elle menait devait faire très vite d'elle ce qu'on appelle entre cavaliers une vieille chabraque, si cette vie de perdition avait duré. Elle n'a donc pas duré, tu sais donc, toi, ce que cette chienne de femme-là est devenue, fit Rançonnet haletant d'intérêt, excité et oubliant pour une minute cette visite à l'église qui le tenait si dru. « Oui, » dit Ménilgrand, concentrant sa voix comme s'il avait touché au point le plus profond de son histoire. « Tu as cru, comme tout le monde, qu'elle avait sombré avec Ido dans le tourbillon de guerre et d'événements qui nous a enveloppés, et pour la plupart de nous dispersés et fait disparaître. Mais je vais aujourd'hui te révéler le destin de cette Rosalba. » Le capitaine Rancenet s'accouda sur la table, en prenant dans sa large main son verre, qu'il y laissa et qu'il serra comme la poignée d'un sabre, tout en écoutant. « La guerre ne cessait pas, » reprit Ménilgrand. « Ces patients dans la fureur, qui ont mis 500 ans à chasser les Maures, auraient mis, s'il l'avait fallu, autant de temps à nous chasser. Nous n'avancions dans le pays qu'à la condition de surveiller chaque pas que nous y faisions. Les villages envahis étaient immédiatement fortifiés par nous, et nous les retournions contre l'ennemi. Le petit bourg d'Aculdia, dont nous nous emparâmes, fut notre garnison assez de temps. Un vaste couvent y fut transformé en caserne, mais l'état-major se répartit dans les maisons du bourg, et le major Ido eut celle de l'alcade. Or, comme cette maison était la plus spacieuse, le major Ido y recevait quelquefois le soir le corps des officiers, car nous ne voyions plus que nous. Nous avions rompu avec les Afrancesados, nous défiant d'eux, tant la haine pour les Français gagnait du terrain. Dans ces réunions entre nous, quelquefois interrompues par les coups de feu de l'ennemi à nos avant-postes, la Rosalba nous faisait les honneurs de quelques ponches, avec cet air incomparablement chaste que j'ai toujours pris pour une plaisanterie du démon. Elle y choisissait ses victimes, mais je ne regardais pas à mes successeurs. J'avais ôté mon âme de cette liaison, et d'ailleurs je ne traînais après moi, comme l'a dit je ne sais plus qui, la chaîne rompue d'aucune espérance trompée. Je n'avais ni dépit, ni jalousie, ni ressentiment. Je regardais vivre et agir cette femme, qui m'intéressait comme spectateur, et qui cachait les déportements du vice le plus impudent sous les déconcertements les plus charmants de l'innocence. J'allais donc chez elle, et devant le monde, elle m'y parlait avec la simplicité presque timide d'une jeune fille, rencontrée par hasard à la fontaine ou dans le fond du bois. L'ivresse, le tournoiement de tête, la rage d'essence qu'elle avait allumée en moi, toutes ces choses terribles n'étaient plus. Je les tenais pour dissipées, évanouies, impossibles. Seulement, lorsque je retrouvais inépuisable cette nuance d'incarnat qui lui teignait le front pour un mot ou pour un regard, je ne pouvais m'empêcher d'éprouver la sensation de l'homme qui regarde dans son verre vidé la dernière goutte du champagne rosé qu'il vient de boire, et qui est tenté de faire rubis sur l'ongle avec cette dernière goutte oubliée. Je le lui dis un soir. Ce soir-là, j'étais seul chez elle. J'avais quitté le café de bonne heure, et j'y avais laissé le corps d'officiers engagés dans des parties de cartes et de billard, et jouant un jeu très vif. C'était le soir, mais un soir d'Espagne, où le soleil torride avait peine à s'arracher du ciel. Je la trouvais à peine vêtue, les épaules au vent, embrasée par une chaleur africaine, les bras nus, ces beaux bras dans lesquels j'avais tant mordu, et qui, dans de certains moments d'émotion que j'avais si souvent fait naître, devenaient, comme disent les peintres, du ton de l'intérieur des fraises. Ses cheveux, appesantis par la chaleur, croulait lourdement sur sa nuque dorée, et elle était belle ainsi, déchevelée, négligée, languissante à tenter Satan, et à venger Ève. À moitié couchée sur un guéridon, elle écrivait. Or si elle écrivait la pudica, c'était pas de doute à quelque amant, pour quelque rendez-vous, pour quelque infidélité nouvelle au major Ido, qui les dévorait toutes, comme elle dévorait le plaisir en silence. Lorsque j'entrais, sa lettre était écrite, et elle faisait fondre pour la cacheter, à la flamme d'une bougie, de la cire bleue pailletée d'argent, que je vois encore, et vous allez savoir tout à l'heure pourquoi le souvenir de cette cire pailletée d'argent m'est resté si clair. « Où est le major ?» me dit-elle, me voyant entrer, troublée déjà. Mais elle était toujours troublée, cette femme, qui faisait croire à l'orgueil et au sens des hommes qu'elle était émue devant eux. « Il joue frénétiquement ce soir, » lui répondis-je, en riant et en regardant avec convoitise cette friandise de flocons roses qui venait de lui monter au front. « Et moi j'ai ce soir une autre frénésie. » Elle me comprit. Rien ne l'étonnait. Elle était faite au désir qu'elle allumait chez les hommes, qu'elle aurait ramené en face d'elle de tous les horizons. « Bah, » fit-elle lentement, « quoique la teinte d'incarnat que je voulais boire sur son adorable et exécrable visage se fût foncée à la pensée que je lui donnais. « Bah, vos frénésies à vous sont finies. » Et elle mit le cachet sur la cire bouillante de la lettre, qui s'éteignit et se figea. « Tenez, » dit-elle, insolemment provocante, « voilà votre image, c'était brûlant, il n'y a qu'une seconde et c'est froid. » Et tout en disant cela, elle retourna la lettre et se pencha pour en écrire l'adresse.